femme ivoirienne. La vie est une scène de théâtre, là où chacun joue son rôle et disparaît. Reviens mon amour. Et Wamo, et Wamo, oh, Na balada, na le rapide, na sa... French chéri Moulou. Enfin la bandana, n'y a soit comme au poids d'Okutana. La mujere, Botica Soyosta Bruno Ababa. We'll be right back.